franceinter.fr. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Hair, Peace and Love and War. Une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Jean-Pierre Tiercelin, réalisée par Laurence Courtois. Si je vous dis Hair, n'en pas douter, vous allez tout de suite vous mettre à chanter Let the Sun Shine In ou Aquarius. Peut-être même vais-je me laisser aller le chanter avec vous. Non, rassurez-vous, surtout pas aujourd'hui. Et puis, certains évoqueront le film de Milos Forman et des joyeux hippies qui en sont les personnages. Mais au-delà de la musique qui a fait le tour de la Terre et du film tourné 10 ans après sa création, Air est en fait bien autre chose. Cette comédie musicale rock a vu le jour en octobre 1967 à New York. Historiquement, cette création se situe à la fois au cœur de la guerre du Vietnam et du mouvement hippie. Pour être plus exact, il faudrait dire que Hair est né de la conjonction d'une guerre et d'un mouvement qui voulait changer le monde. Né de la surenchère de la guerre froide et faisant suite à la guerre d'Indochine, le conflit du Vietnam est un engrenage infernal et une fuite en avant qui s'étendra du début des années 60 à 1975. Les forces américaines déversent plus de bombes sur le Vietnam qu'elles n'en ont largué durant la Seconde Guerre mondiale. 58 000 soldats américains y laissèrent la vie, sans compter les plus de 300 000 blessés et tous ceux qui ne s'en remettront jamais. Du côté vietnamien, le nombre de morts approche les 4 millions. Issu de la Beat Generation, le mouvement hippie prend naissance avec les années 60. Il naît d'un refus radical de la société de consommation qui, aux États-Unis comme bientôt en Europe, tend à s'ériger comme le modèle de la société contemporaine idéale. Le mouvement hippie est donc avant tout un mouvement de contre-culture. Un mouvement qui, au-delà des cheveux longs, des robes gitanes, de l'encens, des herbes qu'on fume et de la révolution sexuelle, rêve d'écologie aussi, de paix, de partage et de liberté, toutes les libertés. Les hippies sont évidemment d'irréductibles opposants à l'agression américaine au Vietnam. C'est dans ce contexte que les créateurs de Hair, James Rado et Jérôme Ragny, se rencontrent en 1964 sur un plateau de théâtre. Entre ces deux acteurs de formation, une grande amitié va naître et les unir. Tous deux sont à l'écoute de leur temps, qu'ils vivent intensément, et ils brûlent de formes théâtrales nouvelles et de musique rock. Ils sont de toutes les manifestations contre la guerre au Vietnam. Et c'est ainsi que germe l'idée de Hair, bientôt rejoint par un rocker canadien, Galt McDermott, qui composera la musique. Tout comme les hippies proposent un changement radical de la société, Hair pulvérise les règles de la comédie musicale traditionnelle telle qu'elle se jouait jusque-là, à Broadway. Terminé les beaux décors, les beaux costumes et la fosse d'orchestre, là, c'est un plateau nu, un orchestre rock et une tribu échevelée qui prône l'amour à la face de la guerre et de l'Amérique bien pensante et qui ne tardera pas à se dénuder dès la fin du premier acte. Geste symbolique s'il en est, mais aussi attitude radicalement politique qui n'échappera pas aux ligues et à tous les mouvements d'extrême droite. Hair sera l'un des plus grands triomphes à Broadway où il se jouera plus de 4 ans sans interruption. Au fil des générations, cette œuvre restera le symbole de l'éveil d'une conscience collective, d'une volonté d'amour et de liberté. Comme a dit Guy Debord, au regard de cette époque, c'est un beau moment que celui où se met en mouvement un assaut contre l'ordre du monde. Après la fiction, nous retrouvons Laurent Vallière, journaliste et producteur à France Musique, où il anime 42e rue, émission hebdomadaire consacrée à la comédie musicale. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Hair, Peace and Love and War, de Jean-Pierre Tiercelin. 7 août 1964. Suite aux incidents du 2 et 4 août dans le golfe du Tonkin, le Congrès américain vient de voter une résolution qui permet au président Johnson d'engager massivement l'armée américaine dans le conflit vietnamien. 5 août 1965. Les premières unités de l'armée américaine viennent de débarquer à Da Nang, en avant-garde d'un corps expéditionnaire de plusieurs milliers de Marines. Nouveau bombardement massif au nord du 17e parallèle, avec usage intensif du napalm. Nous sommes 4 appareils bourrés de bombes et du napalm. Vous voyez, on vole bas pour éviter leurs tirs. Attention. D'abord, les bombes. Ouais, fantastique. Le carton superbe. Et maintenant, le napalm. Regardez comme ça flambe. Regardez les gens qui courent. On les a bien arrosés. Ils détalent comme des lapins. On les a fait sortir de leur trou et maintenant on va pouvoir les tirer. C'est ça qu'on aime. On va encore en féliciter spécialement pour les napalms. Ceux qui ne sont pas brûlés, ils sont quand même salement sonnés. Et puis les bombes, ça leur bousille les tympans et ça les met KO. On est au moins 10 000, non? Peut-être plus. Autant qu'au Vietnam Day, à Berkeley? Non, mais pas loin. On les compte plus. Manif, rassemblement, teaching, sit-in, et la berceuse pour Lyndon Johnson sous les fenêtres de la Maison Blanche. Hey, LBJ, how many kids did you kill today? Hey, LBJ, how many kids did you kill today? Hey, LBJ, how many kids did you kill today? Tu fatigues un peu, Jerry? Le pied, parfois. Mais moi, non. Pas tant que cette saloperie de guerre continuera. Pas tant que mon pays continuera à ravager le Vietnam au napalm. Pas tant qu'on continuera à envoyer la jeunesse se faire tuer là-bas. J'en ai marre de voir revenir les copains avec des jambes en moins ou allongés dans un cercueil. Ouais, ceux qui reviennent, ils ont le regard à mille bornes. On continuera tant qu'on n'aura pas obtenu gain de cause pour les droits civiques, merde. La majorité des conscrits qui partent pour le Vietnam, ils sont noirs, issus des minorités ou cutéreux. On regarde autour de nous. Ils sont sympas, tous ces étudiants qui remplissent les grandes universités. Aussi sympas que nous, avec nos cheveux longs et nos colliers. Ils sont engagés, ils manifestent, ils vont des teach-in avec leurs profs, mais ils sont pas en première ligne pour un départ au Vietnam. Il faut faire quelque chose, Jim. Tout ce que tu veux, Jerry. Tout ce que tu veux, mais quoi? On est comédiens. On rêve d'écrire un grand spectacle. Mais pour l'instant, on joue une petite pièce sympa qui révolutionnera pas le théâtre. On a un gentil succès, et puis les filles te trouvent très beau. Ce qui me rend un peu jaloux. Pauvre pomme. Moi, je te le dis, Jim. C'est le moment ou jamais de passer à l'action. Tu la sens, cette excitation, cette vibration. D'ici peu, on va sûrement ralentir et s'asseoir. Sit-in de rigueur, ou alors les flics vont se mettre à nous courser. C'est presque un rituel. On dirait du théâtre de rue, du happening. Il y a juste à suivre la grille d'improvisation. J'aime beaucoup le théâtre de rue. Justement, nous, on va mettre la rue sur scène. Les noirs, les blancs, les indiens, les bridés, les laissés pour compte, les dealers, les junkies. Respire, Jerry. Et puis ceux qui partent, ceux qui veulent pas partir, ceux qui brûlent leurs papiers d'incorporation, ceux qui meurent et puis... Et on en fait un musical. Oh, mieux que ça, Jerry, mieux que ça. Un musical rock. Ouais. On va s'y mettre tout de suite, Jerry. Tout de suite. Dommage qu'on puisse pas accélérer le rythme de cette belle marche pacifique. Oh, attends, qu'est-ce qui se passe? Ils t'ont entendu, Jerry. Ils accélèrent le rythme, mais avec des matraques et des fumigènes. Allez. C'est bien la première fois que la police m'écoute. Ah oui, c'est un grand jour. Mais accélère, Jerry, accélère. Dis donc, va falloir trouver un compositeur, un producteur, un théâtre. T'as raison. Oh, regarde, il y a un théâtre là-bas au coin de l'avenue. Il te plaît? Attends, il est super, on l'achète. Ah bah si tu veux, mais la banque elle est fermée, c'est bête. On reviendra demain. Cours, Jerry, cours. I got life, mother. I got laugh, sister. I got freedom, brother. I got good times, man. I got crazy ways, daughter. I got million-dollar charm, cousin. I got headaches and toothaches. And bad times too, like you. Ah, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, mes frères. Vous auriez pas un dollar pour m'aider à transcender ma méditation? Quel enfoiré celui-là! Galt, notre rocker canadien préféré! Mais on te cherchait partout! Si j'avais su, j'aurais mis mon sari. T'as vu? Notre arbre, il est devenu sacré! Ils ont adopté le plus bel arbre de Tompkins Park. Ils se font pas chier, hein. Remarque, un peu de spiritualité, ça ne peut pas nous faire de mal dans ce foutu merdier. Et vous le connaissez, ce Bhaktivedanta Swami, je sais pas quoi, là? Brabhupada, c'est pas compliqué! Va falloir que tu fasses un effort, c'est notre voisin maintenant. East Village va devenir le temple de la divinité. Ils vont vraiment s'installer ici? Vous n'avez pas peur qu'ils vous rasent les cheveux? Faites attention, les gars. Oh, attends, pas de danger, ils ne feraient pas de mal à une mouche. Ils sont juste à la recherche d'une conscience pure et bien heureuse. T'as vu, ils planent tout seuls, sans hache ni LSD. C'est génial, ça, quand même, non? On devrait peut-être se mettre au tambourin, nous aussi. Et puis, on serait mignon à croquer. La boule à zéro en sari orange. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que tu peux être con, parfois. Mais c'est vrai que c'est chouette, hein, cette couleur. Et si on imaginait une scène avec eux? Avec eux? Ouais, avec eux. Une séquence où ils se joindraient à la communauté hippie. Une sorte d'apothéose musicale un peu planante. Je pourrais composer quelque chose de marrant. En forme de clin d'œil? Ouais, j'adore! À partir de cette mélopée. Et puis c'est super, on a déjà les paroles. Et la musique, ça ferait comment? Vous êtes bien gentils, les gars. Mais laissez-moi quand même le temps d'écouter l'original. Bah attends, tu nous as bien pondu toutes les mélodies en 3 semaines. Ah oui, c'est vrai, ça. C'est venu tout seul. Votre écriture est bien cadencée, c'est pas si fréquent. Non, mais t'entends ça, Jim? C'est magnifique. Bon, allez, je nous enroule un. Moi, je vous le dis, les mecs. Il faut penser Broadway tout de suite. Faut viser haut, à tous les niveaux, producteur, metteur en scène, casting. Ouais, mais pour l'instant, on n'a personne. Ah, Jerry a raison. On tient quelque chose de fort et c'est le moment ou jamais d'être ambitieux. Vous savez, je joue tous les soirs dans Viet Rock à l'Open Theater. Ça parle du Vietnam et la musique est rock, mais le spectacle ne décolle pas. Pourtant, le travail à base d'impro, ça a été passionnant. C'était dans la lignée du Living Theater, c'est tout ce que j'aime. Tiens. Alors? Alors, ça suffit pas de faire un spectacle engagé. Faut aller plus loin. Nous, on parle du Vietnam, mais on va aussi parler de liberté, d'égalité des races, d'une autre façon de voir le monde. Et on va surtout parler d'amour, de la liberté de le faire à notre guise. Mais aussi d'un amour universel qui nous manque foutrement. Et ça nous empêchera pas de faire un spectacle politique? Mais pas du tout. Et comme Jim et moi, on va jouer dans le spectacle, on y veillera. Il est bon ce joint? Terrible. Ça aussi, il faut le faire avec amour. Et elle est belle la musique? Quelle musique? Celle que tu vas nous composer pour la séquence Hare Krishna. Je suis sûr que tu l'entends déjà dans ta tête, non? Dans la tête? Et vous, quand vous avez une idée quelque part, vous l'avez pas ailleurs. Et je suis pas une machine. Allez! Sois pas vache! Allez, juste un peu! Ça fait comment? Tiens, reprends une taf. Ça fait... Je sais pas, moi. Vous êtes incroyable, hein. Alors, ça pourrait faire... Take trips, get high, laugh jokes and goodbye. Yeah, being drummed and all tin, but I am mad and you know what. Take trips, get high, laugh jokes and goodbye. Being drummed and all tin, but Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare. Le 17 avril 1967. 200 000 personnes défilent dans les rues de New York pour protester contre la guerre au Vietnam avec le soutien d'un grand nombre d'artistes et d'intellectuels parmi lesquels John Lennon, Bob Dylan, John Baez, Jane Fonda. De nombreux appelés brûlent leurs papiers militaires en public. Le nombre de déserteurs s'accroît considérablement. Août 1967. De jour en jour, le mouvement hippie ne cesse de prendre de l'ampleur. Pas moins de 100 000 jeunes venus du monde entier ont convergé vers le quartier d'Haight Ashbury sur les collines de San Francisco. On parle déjà de Summer of Love, l'été de l'amour. Ce mouvement de contre-culture, prônant la paix et l'amour, entend reconsidérer les règles de notre société de consommation. Il prône une liberté intégrale, à commencer par la liberté sexuelle, la vie en communauté et le power of love. Très bien. Ne bougez pas. Pas encore. Gardez bien ce contact entre vous. Cette communion de l'esprit, qui est aussi une ouverture. C'est ça le moment d'Aquarius. Désormais, vous êtes prêts. Disponible à accueillir l'air du Verseau, l'air de la paix. Car la paix est possible. Notre spectacle ne dira pas autre chose. Maintenant, tout doucement, au ralenti, vous allez vous redresser. Et là, vous retrouvez le contact avec votre partenaire. Vous effleurez délicatement le visage de l'autre. Vous suivez l'arcade des sourcils, les yeux, le nez, le dessin des lèvres, le cou, les épaules, comme une découverte du corps de l'autre. Vous descendez de chaque côté de la poitrine, vous descendez, vous descendez. Ah, dommage! En plus, c'est toi, Jerry. Pardon. Mais pourtant, j'étais bien dans le coup. Trop! Comment ça, trop? J'étais hyper concentrée, mes mains continuaient de descendre sur lui, il me regarde avec intensité, et dans un souffle, il me murmure, je bande. Et je confirme. Mais t'as vu où elles étaient, tes mains? C'était subtil, mais trop bon. Bon, calmons-nous. Ce n'était pas vraiment le but de l'exercice, mais ça nous ramène au spectacle et au personnage. D'abord, à un aspect essentiel, notre animalité. Ah, inutile de rire, vous savez très bien que je parle de l'animalité qui nous relie à la nature. Ce lien que la société de consommation aimerait tuer en nous. Car selon elle, pour bien consommer, il faut être déconnecté d'avec la nature. Par contre, la société est capable de nous aider à retrouver le mauvais côté de cette animalité. Comment ça, Jerry ? À l'aide d'un sergent instructeur. En quelques semaines, avant son départ pour le Vietnam, il va te transformer un paisible paysan d'Oklahoma en machine à tuer. Là, Jerry, tu es parfaitement dans ton personnage de Burger, le leader de toute la bande. C'est toi le plus antimilitariste de la tribu. C'est toi qui pousses aux actions les plus spectaculaires, comme celle des papiers que les appelés vont brûler. Et moi alors ? Je suis pas antimilitariste ? Bien sûr, toi aussi. Mais toi en plus, tu es noir et tu n'es pas le seul dans la tribu. Alors vous allez porter toutes les valeurs multiraciales qui manquent à notre société et stigmatiser tout ce qui ne va pas. C'est pas ce qui manque. Justement. Ok, Black Boy ? Ok, Tom. Black boy, oh, delicious. Et moi, qu'est-ce qui me reste ? Qui veut répondre à Sheila ? L'amour. Oh, c'est malin. Mais c'est vrai. Sheila vit une histoire d'amour et de sexe avec Burger et Claude. Mais cet amour, il va plus loin. Ouais, sur scène, quand je joue Claude. Quand, après un mauvais trip où j'ai la vision d'un monde plongé à jamais dans la guerre, je renonce à brûler mes papiers militaires. Quand je pars au Vietnam pour mourir, je sais que Sheila est là. Doucement, Jim. Sheila, elle est là au même titre que Burger et Hud, tout comme Ginny et toutes les filles du groupe. Si on se bat pour la liberté de tous, on se bat aussi pour la liberté et l'égalité des femmes par rapport aux mecs. Et il y a encore beaucoup à faire, hein, de ce côté-là. C'est ça aussi le spectacle. Tu devrais le savoir puisque tu l'as écrit. T'inquiète, hein, je t'aime quand même. Mais Sheila, c'est pas Ophélie, merde. Tu as raison. Mais par contre, il y a du Hamlet dans le personnage de Claude. Pas vrai, Jerry ? Je n'ai jamais cessé de penser à Shakespeare. Mais Hamlet, il se met pas à poil. Si, mais juste avec des mots. Et du coup, peut-être beaucoup plus à poil que nous. On va vraiment se mettre tout nu ? Oui, et c'est très important. Lorsque tous vous serez nus face au public, Cette image proclamera une chose essentielle. Regardez, nous sommes libres. Vous entendez, libres. Ce sera un geste de confiance dans la pureté du regard du spectateur. Tu crois qu'on pourra vraiment préserver la pureté de ce regard ? C'est à vous d'en être les garants. N'oubliez pas que c'est vous qui allez accueillir le public au début du spectacle. Vous les saluerez, vous leur prendrez la main. Vous pourrez les embrasser. Même leur rouler une pelle. Mais pourquoi pas ? Le tout est de rester dans ce sentiment d'harmonie générale. De même qu'au final, vous inviterez le public à vous rejoindre sur scène. Un dernier moment de fusion par la musique et la danse, mais aussi un moment de tolérance et de liberté. C'est un tout dans lequel s'inscrit logiquement le moment de la nudité. Et puis nos cheveux sont toujours là pour nous habiller. Moi, je préfère les courants d'air. Les courants d'air. Laissons-les plutôt voler dans la brise ou s'accrocher dans les arbres. On en fera une ruche pour les abeilles ou un nid pour les oiseaux. octobre 1967, Off-Broadway. Le public se presse en foule pour découvrir Hair, la comédie musicale rock au Public Theatre. 21 octobre 1967, 200 000 personnes devant le Pentagone à Washington. Les manifestants ont chargé et brisé les barrages de sécurité pour escalader les murs du Pentagone. Répression féroce des parachutistes. 200 000 personnes également dans les rues de New York. Les appelés brûlent leurs papiers militaires à Central Park. 31 janvier 1968. Offensive générale du Tet menée par le Nord-Vietnam. Après de terribles combats, les forces américaines reprennent difficilement le contrôle de la situation. 4 avril 1968. Assassinat de Martin Luther King. 29 avril 1968. Première triomphale de Hair au Baltimore Theater à Broadway. Hair, American Tribal Love Rock Musical, pulvérise littéralement les règles de la comédie musicale traditionnelle avec un orchestre rock de 10 musiciens au milieu des acteurs sur un plateau nu. Le spectacle affiche déjà complet pour plusieurs années. 5 juin 1968. Assassinat de Robert Kennedy. Printemps 1969. Triomphe mondial de Hair à Londres, à Paris, puis dans le monde entier. Simultanément à Broadway, le spectacle tourne dans toutes les grandes villes des États-Unis. Du 15 au 18 août 1969, un demi-million de spectateurs au Festival de Woodstock. 32 groupes ou solistes prestigieux s'y succèdent. John Baez, Janis Joplin, Joe Cocker, Santana, Jimi Hendrix. Salut John. Salut Jim. On vient de terminer la balance. Je finis la mise. T'oublieras pas de vérifier ton micro, on te l'a changé. À quand les micros sans fil ? J'en ai marre de m'emmêler les pinceaux dans ce putain de fil. Et quand on chante avec Jerry, c'est pire, on va finir en roast beef. Ça va pas, Jim ? T'as l'air épuisé. Y a trop de choses qui me fatiguent. Les ligues de connards d'extrême droite sont déjà devant l'entrée du théâtre. D'ici un moment, ils vont tenter de bloquer l'entrée, c'est sûr. J'en peux plus de cette tension perpétuelle. Plains-toi. On explose la jauge. Chaque soir, on finit en apothéose psychédélique. On vous aime jusqu'au délire. D'ailleurs, je voulais te dire, quand tu sais plus quoi faire des candidates pour te raccompagner dans ton lit, sois sympa, tu penses à moi. Arrête tes conneries, John. Ça non plus, j'en peux plus. Trop d'amour systématique, ça finit par tuer l'amour. C'est comme la drogue. Bah, dis donc, tu fais bien ta fine gueule ce soir. T'es pourtant pas le dernier à accepter un petit joint. Ou même un gros. Mais la question, elle est pas là. Tant qu'on prend un coup de fumette ou de LSD pour planer un peu ou pour décrocher un coin de paradis, c'est pas grave. Mais tu vois les proportions que ça prend. À ce train-là, la tribu, elle va pas tenir longtemps. Salut les gars. Salut Ed. Putain, vous avez vu tous ces cinglés devant la porte ? Ils sont déchaînés. Des vrais fachos, ils racistent avec ça. Oui, ça devient très inquiétant. Ed, regarde-moi. Mais je te regarde, Jim. Tu veux me faire une déclaration d'amour ? On en a bien besoin. Qu'est-ce que t'as pris aujourd'hui ? Mais ça va pas. À quoi tu joues là ? Tu m'inquiètes, Jim. Par contre, moi, je vais prendre ma vitamine C. Il est là, le docteur ? Oui, il est dans la loge. Il vous attend comme tous les soirs. J'y vais. Tu ferais bien d'en faire autant, Jim. Moi, j'en ai ma dose de la vitamine C. Sheila ? Ok. qu'est-ce qui t'arrive? C'est effroyable. J'ai cru que j'arriverais jamais à rentrer dans le théâtre. J'ai eu peur, Jim. J'ai eu peur, serre-moi fort. Ils t'ont agressé? Non, ils m'ont insulté, ils m'ont craché la figure. Ils me hurlaient dessus comme des bêtes féroces. J'ai cru qu'ils allaient m'arracher les cheveux, mais c'est affreux cette violence. Ils sont déterminés. Ils veulent empêcher le spectacle à tout prix. Ils agressent aussi le public qui attend l'ouverture des portes. Ils leur répondent en chantant « Let the sun shine in ». Ils ont du cran. La violence monte un peu plus chaque soir. À Paris, c'est l'armée du salut qui essaie de bloquer l'entrée du théâtre. Comme si ça consolait de quoi que ce soit. Je te signale qu'un soir sur deux, on a une alerte à la bombe. Et à Boston, ils ont fait interdire le spectacle pour insulte à l'armée. Je sais bien, je sais bien. Aujourd'hui, le directeur a encore reçu des menaces de mort. Tu vois? Il a demandé aux acteurs qui ont un conjoint ou un proche qui les suit dans la tournée de rester à l'hôtel en sécurité. Mais moi j'essaie juste de maintenir le moral sur le plateau, c'est tout. Il faut qu'on tienne. Sinon notre travail, il n'a plus de sens. Notre message non plus. Saleté de réac puritain. Ce qu'on dit sur scène de la guerre et du Vietnam, ça leur reste en travers de la gorge. Alors ils aimeraient bien nous voir crever, tous. En attendant, ça les empêche pas d'avoir une paire de jumelles dans la poche, ces vicelards. Pourquoi faire? À défaut d'interdire le spectacle, ils espèrent quand même se rincer l'œil à la scène de nu. Oh, les fumiers. Il est pas là, Hud? Dans la loge. Il était pressé de voir le docteur. La vitamine C, soi-disant. La vitamine C. Ça n'a jamais écarquillé les yeux ni remonté les gens comme des ressorts, hein, non? Salut, Jerry. Est-ce que vous avez vu Woof? Oui, il est dans sa loge. Il est bien avec sa femme et sa petite fille? Non, il les a laissés à l'hôtel en sécurité. Oh non. Mais Jerry, qu'est-ce qui se passe? Parle! L'hôtel est en flammes, c'est horrible, là. Il faut que quelqu'un parte. J'y vais, je prends Woof et je l'accompagne là-bas. Les salauds, ils y sont arrivés. Tu crois que... Ouais, tout le monde savait que la troupe de R logeait dans cet hôtel. 1970. Après l'échec de l'invasion terrestre du Cambodge et en dépit des promesses de désescalade du président Nixon, les bombardements de l'armée américaine continuent sur le Vietnam. 24 avril 1971. Grande marche pacifique à Washington, à l'initiative du mouvement des vétérans au Vietnam contre la guerre. Est-ce que tout le monde est arrivé chez là? Est-ce que tu as vérifié? Autant que je peux, je crois que toute la troupe est là. Oui. Mais Woof ne viendra pas, c'est trop dur. C'est vrai qu'on a arrêté l'enquête? Ouais. À croire qu'ils auraient préféré nous voir tous grillés dans cet hôtel. Alors, c'est aussi pour la femme et la petite fille de Woof qu'on est là aujourd'hui. Et avec tous ceux qui ont survécu au Vietnam. Ça veut dire qu'on y croit encore et qu'on ne leur laissera pas le dernier mot. C'est la première fois dans l'histoire des États-Unis que les vétérans osent affronter le gouvernement sur le terrain de la guerre. Nixon a tout fait pour empêcher la manifestation. La CIA et le FBI se sont surpassés en coups tordus, mais rien n'y a fait. Les vétérans sont là, aujourd'hui, devant le Capitole. Et nous aussi. C'est grotesque, ce mur de planches est barbelé au pied des marches. Nixon pense vraiment que ça va empêcher quelque chose. Il est là, John Kerry? C'est lui qui a lancé le mouvement des protestations des vétérans en revenant du Vietnam. Ça y est, je le vois! Il leur fait signe d'y aller! Regarde, ils escaladent le mur de planches et ils balancent leur médaille sur les marches du Capitole! Bravo! Bravo! Une pluie de médailles! Cette fois, ils l'ont bien décoré, le président. Il s'en remettra pas. Il y en a qui jettent leur béquille par-dessus le mur! Génial! Bravo! Jim! Je crois que Kerry nous cherche du regard. Faut lui faire signe. Ça y est, regarde, il nous a vu! Bravo! Va falloir y aller, toute la tribu là. Vous êtes prêts? On est prêts. On y va! Tous sur le mur! C'était Hair, Peace and Love and War de Jean-Pierre Tiercelin avec Jerry Rani, Duncan Evny, Jim Rado, Pierre Rochefort, Galt McDermott, Emmanuel Suarez, Tom Horgan, Jean-Baptiste Artigas, John, Louis-Marie Audubert, Hud et le pilote américain Emmanuel Vilsain, Sheila, Estelle Meyer, téléscripteur Vanessa Dolmen et la voix de Laetitia Hipp. Bruitage, Elodie Fiat. Prise de son, montage, mixage, Bernard Laniel et Lydwin Caron. Assistant à la réalisation, Lélio Ploton. Réalisation, Laurence Courtois. Shaftesbury Théâtre. Voici donc R, qui est directement inspiré par tout ce qui est arrivé aux États-Unis ces dernières années. C'est plus qu'une satire, plus qu'un spectacle de musical, c'est une sorte de mimodrame qui touche toutes les sociétés, quelle que soit leur race et leur couleur, et où chaque spectateur se sent concerné. France Inter, affaires sensibles. Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Air, Peace and Love, à Noir. Notre invité Laurent Vallière, journaliste et producteur à France Musique, où il anime 42e rue, une émission hebdomadaire consacrée à la comédie musicale. Bonjour Laurent Vallière. Bonjour Fabrice. Alors vous êtes journaliste et producteur à France Musique et vous animez 42e rue, émission hebdomadaire consacrée à la comédie musicale. Voilà, vous êtes aussi journaliste à France Info, service culture, et sur France Inter, vous connaissez bien la maison, vous avez fait le tour. Vous avez produit la chronique quotidienne intitulée Tous en scène, ainsi que le magazine hebdomadaire Tous les Mickey du monde, consacré au cinéma d'animation, et vous réalisez par ailleurs des documentaires sur le cinéma. Voilà, c'est complet ? Oui, tout à fait. Bravo. Donc vous en faites des choses. Hein. Alors commençons par 1967, date de création du premier Air à New York, sur la scène du Public Theater. Comment cet opéra contestataire qui recèle tant de nouveautés, de provocations, qui est un véritable manifeste contre la guerre du Vietnam et pour la liberté sexuelle, qu'est-ce qui fait que ça devient un succès immédiat et long? Il se passe quelque chose. Alors tout est dû quand même, faut bien le dire, à un homme qu'on ne connaît pas trop bien, qui s'appelle Joseph Pape. Joseph Pape, c'est un chantre vraiment de la culture pour tous. Je vous le cite, il écrivait « La culture en elle-même ne signifie rien, ça signifie quelque chose si c'est fait pour les masses, pour le peuple populaire et si ça ne sert pas juste une élite. » Joseph Pape, dans les années 50 et 60, c'est celui qui va populariser Shakespeare. Il va mettre en scène les pièces de Shakespeare gratuitement à Central Park, en plein cœur de New York. Il pense que ces pièces de Shakespeare ont une signification politique. Et puis en 1967, il se trouve qu'il crée un nouveau théâtre. Off-Broadway, comme on dit, donc très très loin des lumières de Times Square, tout près en fait de East Village, là où il y a les hippies, justement. Ouais. C'est un théâtre qu'il veut expérimental. Et la première pièce qu'il propose, c'est justement Air. Tout lui plaît, évidemment, le contenu politique de ce que sont en train d'écrire les auteurs, Jérôme Ragny, James Rado, le fait que sur scène, on va complètement exploser les codes de la comédie musicale et qu'on va parler d'aujourd'hui. Sur scène, en fait, les auteurs, James Rado et Jérôme Ragny, ils racontent leur vie. Ils racontent la vie des gens, des squatteurs à l'époque. Ils ont les cheveux longs, ils ont des boucles d'oreilles, enfin, voilà. C'est un manifeste. C'est un manifeste politique. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'après, Joseph Pape va enchaîner. Mais on peut dire que, certes, les deux auteurs anciens acteurs, au chômage d'ailleurs, qui finalement dans Air mettent en scène la vie de tous les jours des beatniks, quoi, trouvent avec Joseph Pape, ce producteur vraiment politique au sens propre du terme, eh bien la bonne personne pour faire résister ce spectacle. Après, quand Joseph Pape leur offre le théâtre, leur propose de faire des ateliers, parce qu'en fait, on travaille en workshop. C'est-à-dire qu'en fait, on crée le spectacle avec des comédiens qu'on, elle, dans les rues, à sa création, R, c'était avec la moitié, c'était des non-professionnels. Quelle chance de se balader dans la rue. Vous êtes dans la rue, on vous dit, venez donc jouer. Mais c'est un rêve, ça. Quand on est comédien, surtout, et qu'on fait des castings. Vous voulez pas me prendre? Ben non, pas vous. Bon, mais alors là, c'est dans la rue, vous êtes formidable. Exactement. Et donc, au départ, Joseph Pape leur propose le théâtre pour 65 représentations. Mais ça va faire un buzz absolument incroyable, parce qu'effectivement, les gens n'ont jamais vu ça. Alors, vous avez fait un petit lapsus qui est très juste, d'ailleurs. Vous avez dit Joseph Pope au lieu de Pape. Ça tombe bien, parce que là, c'est quand même aussi le croisement de la comédie musicale et de la pop musique. Est-ce que ça, c'est complètement nouveau? C'est complètement nouveau. En fait, on peut dire que Air, c'est la première comédie musicale rock. Il y en a même qui disent que c'est la dernière comédie musicale qui va réussir à être en tête des hit-parades. Mmh. Vous savez, dans les années 40, dans les années 50, qu'est-ce qui marchait à la radio? C'était les chansons de Frank Sinatra, c'était des choses comme ça, très gold, vous voyez. Oui. Et puis dans les années 60, ou à la fin des années 50, Elvis Presley apparaît, et les comédies musicales, avec leur son, deviennent un petit peu vintage, un peu old-fashioned, voilà, les trucs que les parents écoutent. Un peu ringarde, quoi. Un peu ringarde. Ouais. Et en fait, R va connaître un succès incroyable, ce qui fait que les radios jeunes vont tout d'un coup programmer ces chansons, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. C'est la première comédie musicale rock, et effectivement, tout d'un coup, sur scène, alors D'autant plus que ça a été créé dans un tout petit théâtre qui s'appelle donc le Public Theater. Vous êtes loin des grands orchestres avec violon, etc. Il y avait 4 musiciens sur scène. Ouais. Alors après, quand ça a été transféré à Broadway, rendez-vous compte, ils ont multiplié par 2, il y en a eu 8. Et puis pas de décor, contrairement aux comédies musicales. Pas de décor. Quand vous mettez toujours des maisons en carton, enfin, on reconstitue des villes. Là, c'est le plateau, c'est une épure. Hein. Mais c'était complètement expérimental. D'ailleurs, il y avait une trame qui était écrite, mais le reste était improvisé. On demandait aux comédiens d'improviser sur scène. Il y avait une vraie interaction avec le public. C'était voilà, c'était l'époque où on renouvelait un peu le théâtre, effectivement. Alors, ce vent de nouveauté, il arrive jusqu'en France. Hein. R sera joué à Paris au Théâtre de la Porte Saint-Martin à partir du 30 mai 1969. Et dans le rôle de Claude, qui est l'un des rôles phares de cet opéra rock, il y a un jeune inconnu du nom de Julien Clerc. Alors, ça a boosté, j'imagine, sa carrière. C'est avec ah non, c'est c'était déjà où c'était déjà. Il avait déjà fait son chemin. Il avait déjà fait son chemin. Et lorsque je préparais Tous en scène, justement sur France Inter, sur R, et je faisais une chronique sur Julien Clerc, j'ai retrouvé des archives hallucinantes où, en gros, il a détesté cette période-là, parce que justement, tout d'un coup, lui, Julien Clerc, expliquait qu'il était noyé dans un groupe et qu'il voulait pas du tout, voilà, il voulait avoir une personnalité. Ouais. Donc, très très vite, il a rejeté, et il en parle pas très volontiers d'ailleurs, de cette comédie musicale. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que certes, c'est arrivé à Paris, comme ça a tourné dans plein de pays, comme le spectacle va tourner aux États-Unis et parfois il y aura des procès, parce que voilà, sur scène quand même, on fume des joints, ouais, des vrais joints. Sur scène, il y a de la nudité, et il y a des États en Amérique où, effectivement, il y a des choses qui sont interdites. Mais il y a quelque chose qui va se passer de très important une fois que le spectacle a été créé, comme on dit, off-Broadway, c'est qu'il y a un homme politique, Michael Butler, c'est lui qui va prendre le risque de louer un théâtre à Broadway en se disant, en 1968, je pense que ce spectacle peut aller à Broadway. Alors ça, pour le coup, c'était encore aussi tout à fait inédit. Et le spectacle a provoqué aussi une vive protestation. Je reviens à Paris, hein, de la part de l'Armée du Salut, qui a tenté de faire arrêter une représentation. Ouais. Comme quoi, ça, si j'ose dire, R, ça décoiffe, quoi. C'est vraiment fait pour ça. C'est vraiment fait pour ça. À chaque fois, il y a des ligues baptistes aux États-Unis lorsque le spectacle tournait, qui voulaient interdire le spectacle. Pareil, ça n'a jamais été interdit. Mais effectivement, il y avait des choses qu'on voyait sur scène qui choquaient. Bien, alors on va lire, merci, on va se retrouver dans 3 minutes pour continuer à parler de cette comédie musicale qui est aussi un marqueur formidable d'une époque qui avait l'air vraiment formidable aussi. Got my got life. I got my freedom in my heart. I got love. Laurent Vallière, on se demande quand même, on parlait tout à l'heure des protestations, des gens qui ont essayé de faire interdire le spectacle, des ligues réactionnaires et des représentants de la moralité, bref. Comment des idées de paix, parce que c'est quand même des idées de paix, vraiment de manifestations non violentes, peuvent-ils déclencher comme ça autant de haine? Il y a une forme de haine, de rejet d'un vent nouveau. C'est étonnant quand même. Bah, ça me fait penser à ce qui s'est passé il y a pas longtemps quand il y a eu une pièce de théâtre à Chaillot à propos de Jésus-Christ et qu'effectivement il y avait des ligues aussi qui étaient venues manifester devant et que c'était très violent. Ouais. Bon, donc je pense que l'histoire se répète. L'histoire se répète, oui, forcément. Il y a quelque chose qui était très drôle dans R, je dois vous dire. Donc, lorsque le spectacle a été créé off Broadway, donc en 1967, hein, dans ce tout petit théâtre, il n'y avait pas du tout la scène de nu. C'est lorsque le spectacle a été ensuite transféré à Broadway, on a changé des choses, on a rajouté plein de chansons, et surtout le metteur en scène Tom Hogan voulait à tout prix rajouter cette scène de nu. Et alors, la petite histoire, c'est quoi? C'est qu'en fait, la scène de nu, c'est à la fin du premier acte. Il y a une sorte de sit-in où les jeunes se font circuler le joint et ça avait été inspiré au metteur en scène par effectivement une manifestation anti-guerre du Vietnam qui avait eu lieu un jour, je ne sais plus où, aux États-Unis, et ça s'était terminé comme ça où tout le monde s'était dénudé. Ouais. Et donc il a envie de terminer la scène en faisant croire d'abord que la police arrive parce que justement ils sont en train de fumer un joint. Donc exactement à la fin de la scène, on entend des sirènes et alors le public dans la salle est effrayé parce qu'il croit vraiment que la police arrive. Et donc, il y a une scène de nu qu'on voit pas bien, parce que la lumière est un peu tamisée. Mais, la scène de nu, il faut être très précis, durait à peu près 20 secondes aux États-Unis. Mais la scène de nu la plus longue, c'était en France, 90 secondes. Ah, quand même. Alors justement, bon, j'imagine que la démarche est sincère, on va pas remettre en doute la sincérité de la démarche, mais il y a aussi un bon coup marketing, là, parce que, on peut estimer qu'une comédie musicale dans laquelle on va voir des acteurs nus, ne serait-ce que quelques secondes, ça peut attirer les gens aussi. Est-ce qu'il y avait aussi ce coup marketing, à votre avis, ou c'était vraiment une démarche sincère? C'était inédit. Et aujourd'hui, voir des acteurs nus sur scène, effectivement, c'est devenu courant. À l'époque, c'était vraiment révolutionnaire. Donc, forcément, ça a créé le buzz. Forcément, il y avait des critiques qui trouvaient ça absolument insupportable de voir une comédie musicale qui avait complètement changé le genre et qui était du rock avec des gens dénudés. Et en plus, imaginez-vous avec des gens de couleur. Parce que quand même, c'est une comédie musicale où on voyait des gens de même sexe s'embrasser. Ouais. Où on voyait un homme noir embrasser une femme blanche. Enfin, plein de choses qu'on n'avait jamais vues à Broadway, ça c'est sûr. Hein. Alors, c'est quand on dit comédie musicale, dans comédie musicale, il y a musical. Il y a donc de la musique. Alors, c'est pas anodin. Hein. Cette année-là, c'est ces années magiques là qui vont grosso modo de 65 à un peu après le début des années 70. On est vraiment dans une espèce de renaissance de la musique, avec des groupes extraordinaires, avec une musique pop et rock qui emporte tout sur son passage. 1969, c'est 2 ans après le Summer of Love, hein, l'été de l'amour. 67, c'est l'année où les Beatles sortent leur plus grand disque, Sgt. Pepper, ce qui est aussi très psychédélique. Et on est dans une époque, tout est psychédélique. R arrive à ce moment-là. Il y a une convergence qui est forte là, quand même. Ah bah oui, bah ça retranscrit effectivement ce que les jeunes dans les squats écoutaient tout simplement. Et effectivement, quand ils tournaient le joint, ils écoutaient ce genre de musique. Ouais. C'est aussi l'époque où Jimi Hendrix et où Bob Dylan sont en train d'écrire leurs plus grandes chansons anti-guerre du Vietnam. Bien sûr, ça reflète cette époque. En 79, donc 10 ans après, Milos Forman adapte R au cinéma, lui offre un second souffle et le film devient culte. Quel est votre regard sur le film par rapport à la création théâtrale et de scène? C'est pas toujours réussi. Et là, quel est votre regard sur cette adaptation? Je l'ai pas vu à sa création, R. Il y a une incroyable, extraordinaire reprise en 2008 à Londres et à Broadway par une Américaine qui s'appelle Diane Paulus de R. Et donc, vraiment, elle avait recréé ce qu'on avait sur scène, à savoir que ça commençait avec des acteurs qui étaient dans la salle et qui hélaient un peu le public et qui se moquaient un peu d'eux. Et ça se terminait, comme en 68, par une sorte de... on demandait à tous les spectateurs de monter sur scène, ce qui s'était aussi jamais vu à Broadway. Le film, il est beaucoup plus carré, Alors, les auteurs détestent le film, parce qu'en fait, il y a eu un petit changement, enfin assez conséquent quand même, dans la narration, puisque dans R, la comédie musicale, c'est Claude, le blanc-bec, qui vient de là où, d'une contrée, je ne sais plus quel état des États-Unis, qui finalement ne peut s'empêcher d'aller, de rentrer dans l'armée pour aller faire la guerre au Vietnam, et à la fin, c'est lui qui meurt. Alors que dans le film, c'est son copain Berger qui meurt parce que par hasard il s'est fait engager dans l'armée. Donc voilà, en termes de morale, le film ne raconte pas les mêmes choses que le spectacle. Maintenant, le film bénéficie de chorégraphies absolument incroyables. L'orchestre est beaucoup plus conséquent, les chansons sont très belles. Donc le film a été un peu tourné sous le genre du documentaire en fait. Et c'est comme ça qu'il faut le voir, R. Parce que R, ça raconte surtout, c'est un peu Apocalypse Now musical. R, ça raconte une période des jeunes dans les années 60 qui ont peur d'être enrôlés dans l'armée et qui ne veulent surtout pas aller faire la guerre au Vietnam. Et le film le retranscrit très bien pour le coup ça. Et est-ce que la qualité musicale de Hair est à la hauteur de tout ce qui se fait à ce moment-là, car on l'évoquait tout à l'heure, la concurrence est rude, mais je ne vous ai pas posé la question de la qualité musicale de Hair, ou est-ce que c'est finalement pas l'essentiel, parce qu'il y a quand même un spectacle global qui est offert. Est-ce que la musique est à la hauteur? Mais la musique et les paroles, les chansons quand même, il y en a une qui s'appelle Sodomie, qui pendant 1 minute 30 accumule des mots qu'on n'aura jamais dit, ni sur une radio, ni sur scène. Il y a une autre chanson qui s'appelle Les filles blanches adorent les hommes noirs. Et il n'y a que des choses comme ça. Donc toutes les chansons transgressent des tabous. Après, musicalement, ça reprend le style rock de l'époque. Je ne veux pas vous dire que ça révolutionne le genre. Mais dans les paroles, oui, c'est vraiment intéressant. Hein. Alors vous qui êtes un spécialiste des comédies musicales, quelle place tient R dans l'histoire des comédies musicales? Après R, va y avoir, tout d'un coup, la comédie musicale n'est plus si ringarde que ça. Il y a plein de jeunes compositeurs qui vont s'engouffrer dans cette mode de la comédie musicale rock, à commencer par Jésus-Christ Superstar. Luc Plamondon après. Et Luc Plamondon. Avec Balavoine. Exactement. D'ailleurs, Balavoine, ça, pour le coup, ça a vraiment boosté sa carrière. Hein, oui, tout à fait. Cette comédie musicale-là, parce qu'on a vu cette voix incroyable, extraordinaire, et c'est devenu le chanteur fabuleux qu'on a connu. Et aujourd'hui, la comédie musicale, alors, il y a les comédies musicales de Noël, vous savez, pour les gosses, ou les comédies musicales populaires, ça marche très très bien. Quelle place tient la comédie musicale dans l'expression musicale française aujourd'hui? C'est une grosse place quand même. En France, on tourne autour des opéras rock qui sont de qualité quand même très inégale, on va dire, et des chansons qui n'expriment pas grand chose, c'est-à-dire que objectivement, vous prenez les chansons des chevaliers de la légende du roi d'Arthur et vous les mettez pour Mozart l'opéra rock et objectivement, c'est à peu près les mêmes chansons. Donc, on peut pas dire qu'il y a une grande culture du théâtre musical en France à ce niveau-là. On n'utilise pas vraiment les chansons pour raconter des histoires. À Broadway, par contre, c'est extrêmement vivifiant, c'est très impressionnant de voir tous les jeunes auteurs qui arrivent. Ils arrivent à vous raconter, le grand succès actuel, on en parle beaucoup, ça s'appelle Hamilton. C'est un peu pour moi l'équivalent de R, parce qu'en fait, c'est la première comédie musicale qui fonctionne avec du rap. Mais ils n'ont pas dû utiliser le rap comme ça pour faire joli. Ou pour faire moderne. Non, ils utilisent le rap à bon escient parce qu'ils considèrent que ça raconte l'histoire d'un des fondateurs des États-Unis d'Amérique. Et comme il y avait beaucoup de joutes oratoires à cette époque-là, il fallait convaincre Jefferson, etc. Ils ont considéré que le rap pouvait tout à fait expliquer et exprimer cette façon, ces joutes oratoires qui avaient lieu parfois au Congrès. Donc le rap n'est pas gratuit et dans Hamilton, par exemple, le principe est exactement le même que dans R, voire encore plus poussé, à savoir qu'il n'y a pas un seul blanc sur scène et tous les fondateurs, pères fondateurs de l'Amérique sont interprétés par des latinos, par des immigrés noirs, etc. Donc aujourd'hui, la créativité dans le théâtre musical américain est très forte, mais bon, c'est un peu dans leur gène, comme nous, dans nos gènes, on a Molière, tout simplement. Bien, merci Laurent Vallière de nous avoir apporté vos éclairages sur cette comédie musicale et puis la façon dont elle a ouvert la voie, car elle a vraiment ouvert une voie. Merci. Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Hair, Peace and Love and War, une fiction écrite par Jean-Pierre Tiercelin, réalisée par Laurence Courtois et Juliette Gou. Émission proposée par Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Vincent Godard.